Hey, Mobile. Wow, wow. Oh Lord. Yeah. Jamais 243, non, non, jamais 225, non, non. J'espère dans la maison, qui parle de moi, ils font ma promo. Le cercle est fermé, le cœur c'est ma clé, ma chérie vient, je t'emmène. J'suis dans la ville comme le maire. Et j'ai pas le temps, bébé, position, j'arrive comme une ambulance. C'est pas de leur fixe, on nous y en mis, sont comme dans les favelas. Petit frère, faut pas des trolls. Dans toute l'Afrique, j'encaisse. Des putains de phénomènes, JLI, SH, faut j'avais. Elle veut cette vie, elle me dit chérie, je me sens. C'est pas facile, bébé, c'est pas comme ça. Elle veut cette vie, elle me dit chérie, je me sens. C'est pas facile. On va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma, on va s'envoler ma. Tapis volant équilibré, la petite le caresse, carré, et j'ai char bien balèze. Un gauche sur le volant, un droit sur ses poches. J'ai démarré, j'suis pas là, parle personne te calme. J'ai fini d'avoir le chimpy, après j'encaisse, caisse, caisse. La petite apprécie, jaloux vont maigrir, moi je m'en reste, reste, reste. Si j'boule up, c'est fini. Big money, j'en ai, dans le carré, calé. Nous jugez, parlez. Elle veut cette vie, elle me dit chérie, je veux ça. Tu veux quoi? C'est pas facile, bébé, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, bébé. Elle veut cette vie, elle me dit chérie, je veux ça. Jamais. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler ma. On va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s'envoler, on va s